chercher. Ne jamais respecter quelqu'un qui ne te respecte pas. Il ne m'influence pas, juste me guide sur mes pas. Il m'offre des bonbons, gâteaux, super-héros. Lapin et aussi des magnums, des fusils, des Uzi. Sa maman, ma grand-mère le gronde. Et blablabla, il fuit en moins d'une seconde. Il ne fait pas ce qu'il veut, tout ce qu'il peut. Entre la vie, la nuit, l'artiste mystère. Et pour son lobby, le meilleur des pères. Mais fiston, il y aura toujours des détracteurs qui diront ton papa à toi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Il fait partie du ministère ma mère. Mon papa à moi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Il fait partie du ministère ma mère. Mon papa à moi est un gangster. Mon papa est un gangster. Il fait partie du ministère. Stomy Bugsy, mon papa à moi est un gangster sur RGM. Il est un peu plus de 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés à 21 mai 1943, naissance d'Hilton Valentine, guitariste anglais du groupe The Animals. Et on va écouter tout de suite un extrait de leur titre House of the Rising Sun. Voilà pour l'extrait du groupe The Animals. Allez, on continue les anniversaires. 1952, naissance de Mr. T, acteur américain. Vu au cinéma dans Rocky III dans le rôle de Clubber Lang. Mais on le connaît surtout pour son rôle de Barracuda dans la célèbre série télé L'Agence Touriste. 1957, naissance de Judge Reynolds, acteur américain. Connu pour son rôle de l'inspecteur William Rosewood dans Le Flic de Beverly Hills 1, 2 et 3. Et son rôle du docteur Neil Miller dans Super Noël, Hyper Noël et Super Noël 3. Méga givré. C'est également l'année de naissance d'Éric Carrière, comédien, humoriste, auteur français du duo Les Chevaliers du Fiel. 1959, naissance de Nick Cassavetes, acteur, réalisateur américain, vu dans Delta Force 3, Volteface, Very Bad Trip 2, réalisateur de N'oublie Jamais ou encore Alpha Dog. 1966, naissance de Lisa Edelstein, actrice américaine, vue au cinéma dans Ce que veulent les femmes, à la télévision dans les séries Relativity, je vais y arriver, à la Maison Blanche, Ally McBeal, Felicity, Scandal, Castle, mais on la connaît surtout pour son rôle du docteur Lisa Kudy dans Doctor House. 1972, naissance de Stomy Bugsy, rappeur, acteur français, vu dans 3-0, Le Boulet, Gomez et Tavares, ainsi que Gomez versus Tavares dans le rôle du lieutenant Carlos Gomez. 1979, naissance de Gaspard Auger, musicien français, membre du groupe Justice. 1980, naissance de Gauthier, auteur-compositeur, musicien belge. 1985, naissance de Marc Cavendish, coureur cycliste britannique. Alors, je prends ma respiration pour vous donner son palmarès. Champion du monde sur route 2011, champion du monde de l'américaine 2005, 2008 et 2016, champion d'Europe de la course au point espoir en 2005, champion de Grande-Bretagne sur route en 2013, champion de Grande-Bretagne de poursuite par équipe en 2005, champion de Grande-Bretagne de l'américaine 2008. Il a remporté l'UCI Asia Tour en 2016, le Milan-San Remo en 2009, le classement par points du Tour d'Espagne 2010, 2010, le classement par points du Tour de France en 2011, le classement par points du Tour d'Italie en 2013. Il compte également à son actif 48 étapes de Grand Tour, 30 sur le Tour de France, 15 sur le Tour d'Italie et 3 sur le Tour d'Espagne. Et enfin, on termine les anniversaires avec en 1996 la naissance de Karen Khachanov, joueur de tennis russe, professionnel depuis 2013, meilleur classement ATP, la 11e place atteinte en 2018. Il a été 8e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon et 16e de finaliste à l'Open d'Australie et l'US Open. Allez, tout de suite, on s'écoute le groupe Justice et leur titre Dance. Le groupe Justice sur le 107 FM, un peu plus de 8h45, on fait un point météo. La météo. Alors, journée très nuageuse avec pour le moment de la pluie et quelques éclaircies qui devraient faire leur apparition plutôt cet après-midi. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés ce matin, entre 15 et 16 degrés pour cet après-midi. Mercredi devrait être une journée ensoleillée. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés prévues pour demain après-midi. Jeudi, journée ensoleillée également. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 19 et 20 degrés prévues pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler hockey sur glace avec les championnats du monde et l'équipe de France qui menait la rencontre 3-0 face à la Grande-Bretagne. Et au final, les Français se sont inclinés 4-3 après prolongation cruelle pour les Bleus. Donc c'était un match couperet. La France est donc reléguée en division inférieure. C'est la première fois que ça arrive depuis 2008. Je vous laisse imaginer la tête des joueurs à la fin de la rencontre. Voilà, le promu anglais a fait redescendre la France à l'échelon inférieur. Et à noter que dans l'autre groupe, c'est l'Italie qui s'est imposée. Pareil, dans le match couperet, c'était face à l'Autriche. L'Italie promue restera en élite la saison prochaine. Grâce à leur victoire, ils font là aussi redescendre l'Autriche en division inférieure. Et du coup, ça va être un petit peu plus compliqué pour l'équipe de France l'année prochaine pour remonter. Mais bon, on n'en est encore pas là. Il faut déjà digérer cette défaite et cette relégation. Un mot de cyclisme avec le Giro et la victoire italienne hier de Conti. Le premier français, Nance Peter, se classe troisième. Un mot de basket avec les playoffs de la NBA. Les Golden State Warriors de Stephen Curry se sont imposés cette nuit 119 à 117 face à Portland. Après prolongation, 37 points pour Curry. Et cette victoire permet aux Golden State Warriors de se qualifiés pour la finale de NBA. Ils attendent donc leur futur adversaire. Et alors maintenant, on ouvre la page tennis avec tout d'abord le tournoi de Lyon et la qualification de Humbert en 2-7, 6-1, 6-3 face à Nori. Le duo franco-français entre Jérémy Chardy, et Pierre Hugerbert a tourné à l'avantage d'Herbert qui s'est qualifié en 2-7, 6-2, 7-5. Et le duel franco-français entre Richard Gasquet et Janvier a tourné à l'avantage de Gasquet, mais il a bien eu du mal pour s'imposer. Il s'impose au final en 3-7, 6-7, 6-2, 7-6. Aujourd'hui, Moutet affrontera Opelka, Benoît Paire sera opposé à McDonald et Herbert à Johnson. À Genève, aujourd'hui, Manarino affrontera Ramos Vinolas. À Strasbourg, hier, Paquet s'est qualifié en 2-7 face à Kenin, 6-3, 6-3. S s'est qualifié en 2-7 face à Wang, 6-1, 6-4. À noter l'élimination de Pauline Parmentier en 2-7, 6-2, 6-4 face à Yastremska. Le match entre Caroline Garcia et Rogers a été suspendu. Un set partout, il reprendra donc aujourd'hui. Et on aura également Ferro opposé à Wang. Et depuis hier, c'est le début des qualifications pour Roland-Garros. Et ça s'est plutôt très bien passé pour nos Français hier. Sur les 9 en compétition, 8 se sont qualifiés. Seule Lestienne s'est inclinée en 2-7 face à Hanfmann. Müller, lui, s'est qualifié en 3-7 face à Giannesi. Gaston qualifié en 2-7 face à Trongiuletti. Guinard qualifié en 3-7 face à Lacco. Tatlo qualifié en 2-7 face à Ito. Denoli qualifié en 2-7 face à Mo. Martino s'est qualifié en 3-7 face à Imer. Benchetrit s'est qualifié en 3-7 face à Cachin. Et Cornu Chauvinck s'est qualifié en 3-7 face à Kellar. Aujourd'hui, Quaco affrontera Lorenzi, Bourg se repose à Viola et Blancano lui affrontera Arnaboldi. Et côté féminin, on a 7 françaises aujourd'hui. Georges qui sera opposée à Oswig, Dodin à Kik, Benchek à Blinkova, Léonard à Ibino, Yerolimov face à Minen, Jacquemot opposé à Eredin et enfin Lim opposé à Pera. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Gauthier et son titre Somebody That I Used to Know. Thank you.